Bonjour à tous, à la maison, sur la route. En ce début de semaine, on veut commencer du bon pied, on veut commencer dans la lecture de la parole. Et puis, c'est ainsi qu'on va continuer la série de lire la Bible. On est à la 30e journée pour notre périple de 1 an, 365 jours. Et c'est Gabriel Leblanc qui vous parle, encore une fois des studios de Cœur d'encre sur la côte de Beaupré. Et aujourd'hui, je vais lire dans la traduction Paroles de vie. Alors, je commence en Exode chapitre 10, verset 1 jusqu'au chapitre 12, verset 14. Le Seigneur dit à Moïse: Va chez le roi d'Égypte. C'est moi qui ai fermé le cœur du roi et des gens qui l'entourent. Alors j'ai pu faire des choses extraordinaires au milieu d'eux. Ainsi, tu pourras raconter à tes enfants et aux enfants de leurs enfants ce que j'ai fait aux Égyptiens, les actions extraordinaires que j'ai accomplies dans leur pays. De cette façon, vous saurez que le Seigneur, c'est moi. Moïse et Aaron vont trouver le roi d'Égypte et lui disent: Voici ce que le Seigneur, le Dieu des Hébreux, te demande. Est-ce que tu vas refuser encore longtemps de m'obéir? Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses toujours de le laisser partir, demain, je ferai venir les sauterelles dans ton pays. Elles couvriront complètement le sol et on ne les verra plus. Les sauterelles mangeront le reste des cultures que la grêle n'a pas détruites. Elles ne laisseront rien sur vos arbres qui poussent dans les champs. Elles rempliront tes palais, les maisons des gens qui t'entourent et celles de tous les Égyptiens. Ce sera un très grand malheur. On n'a jamais vu un malheur aussi grand depuis le temps de vos ancêtres jusqu'à ce jour. Moïse quitte le roi et il sort du palais. Les gens qui entourent le roi lui disent: Cet homme va causer notre malheur jusqu'à quand? Laisse donc partir les Israélites pour qu'ils servent leur Seigneur. Cet homme va causer notre malheur jusqu'à quand? Laisse donc partir les Israélites pour qu'ils servent le Seigneur leur Dieu. L'Égypte va à sa perte, tu ne sais donc pas cela? On fait revenir Moïse et Aaron près du roi d'Égypte. Celui-ci leur dit: Vous pouvez aller servir le Seigneur votre Dieu, mais qui va partir? Moïse répond: Nous partirons tous, enfants et vieillards, hommes et femmes, avec nos moutons, nos chèvres et nos bœufs. En effet, nous devons faire une fête en l'honneur du Seigneur. Le roi d'Égypte leur répond: Eh bien, qu'il veille sur vous, votre Seigneur. Vous croyez peut-être que je vais vous laisser partir avec vos familles? Vous avez de mauvaises intentions. Cela ne se passera pas ainsi. Seuls les hommes iront servir le Seigneur, puisque c'est ce que vous voulez. Et on les chasse de chez le roi. Alors le Seigneur dit à Moïse: Étends ton bras sur l'Égypte pour faire venir les sauterelles, qu'elles couvrent le pays et mangent toutes les plantes que la grêle a laissées. Moïse étend son bâton sur l'Égypte, et le Seigneur envoie un vent d'est sur tout le pays pendant toute la journée et toute la nuit. Le matin suivant, le vent amène les sauterelles. Elles couvrent toute l'Égypte et se posent partout. On n'en a jamais vu autant, et on n'en verra jamais autant plus tard. Elles couvrent le pays entier, et on ne voit plus le sol. Elles mangent toute l'herbe et tous les fruits des arbres que la grêle a laissés. Il ne reste aucune feuille sur les arbres et aucune plante dans les champs. Le roi d'Égypte appelle rapidement Moïse et Aaron, et il leur dit: J'ai commis une faute contre le Seigneur, votre Dieu, et contre vous-même. Maintenant, pardonnez-moi ma faute, cette fois-ci encore. Priez le Seigneur, votre Dieu, pour qu'il éloigne de moi ce terrible malheur. Moïse quitte le roi, et il prie le Seigneur. Alors le Seigneur fait souffler un vent d'ouest très fort. Ce vent emporte les sauterelles et il les repousse vers la mer des roseaux. Il ne reste plus une seule sauterelle dans toute l'Égypte. Pourtant, le Seigneur ferme le cœur du roi d'Égypte et le roi ne laisse pas partir les Israélites. Le Seigneur dit à Moïse: Lève ton bras vers le ciel, que la nuit couvre l'Égypte, une nuit si épaisse qu'on pourra la toucher. Moïse lève son bras vers le ciel et pendant 3 jours, il fait nuit noire dans toute l'Égypte. Pendant 3 jours, les Égyptiens ne se voient plus les uns les autres et tout le monde reste chez soi. Dans la région où les Israélites habitent, au contraire, il fait jour. le roi d'Égypte appelle Moïse et lui dit: Vous pouvez aller servir le Seigneur. Vos enfants peuvent aller avec vous, mais vos moutons, vos chèvres et vos bœufs doivent rester ici. Moïse répond: Sûrement pas. Tu nous donneras toi-même les animaux que nous offrirons au Seigneur notre Dieu en sacrifice de communion et en sacrifice complet. De plus, nous amènerons nos troupeaux. Aucun animal ne restera ici. Nous devrons prendre plusieurs de ces animaux pour les offrir au Seigneur notre Dieu. Mais avant d'arriver là-bas, nous ne savons pas lesquels nous devons offrir. Pourtant, le Seigneur ferme le cœur du roi d'Égypte. Celui-ci ne veut pas laisser partir les Israélites. Il dit à Moïse: Va-t'en. Attention, ne reviens plus te présenter devant moi. Si tu te présentes encore devant moi, tu mourras. Moïse répond: En effet, comme tu le dis, je ne me présenterai plus devant toi. Le Seigneur dit à Moïse: Je vais frapper le roi d'Égypte et les Égyptiens par un dernier malheur. Après cela, il vous laissera partir. Il vous chassera même d'ici pour toujours. Va donc dire aux Israélites que chaque homme demande à son voisin, que chaque femme demande à sa voisine des objets et argent en or. Et grâce au Seigneur, les Égyptiens regardent les Israélites avec bonté. D'ailleurs, en Égypte, Moïse lui-même est un homme important pour les gens qui entourent le roi et pour le peuple. Moïse dit au roi d'Égypte: Voici ce que le Seigneur dit. Vers minuit, je traverserai l'Égypte. Tous les premiers-nés de ce pays mourront. Ton fils aîné qui doit être roi après toi, comme le fils aîné de la servante qui écrase le grain. Tous les premiers-nés des troupeaux mourront aussi. Alors dans toute l'Égypte, il y aura de grands cris. Il n'y a jamais eu de cri aussi grand, et il n'y en aura jamais plus. Mais chez les Israélites, on n'entendra même pas un chien aboyer contre quelqu'un ou contre un animal. Alors vous saurez ceci. Moi, le Seigneur, je fais la différence entre les Égyptiens et les Israélites. Moïse dit encore au roi: À ce moment-là, tous les gens qui t'entourent ici viendront vers moi. Ils se mettront à genoux devant moi et me diront: Va-t'en, toi et tout le peuple qui est avec toi, et je partirai aussitôt. Et Moïse, très en colère, sort de chez le roi. Le Seigneur lui dit ensuite: Le roi d'Égypte ne veut pas vous écouter. C'est pourquoi je peux faire beaucoup de choses extraordinaires en Égypte. En réalité, Moïse et son frère Aaron ont accompli toutes sortes de choses extraordinaires devant le roi d'Égypte. Pourtant, le Seigneur lui ferme le cœur et le roi ne laisse pas partir les Israélites de son pays. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte: Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année. Ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël: Le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. Si une famille est trop petite pour manger un animal entier, elle se mettra d'accord avec une famille voisine en tenant compte du nombre de personnes. Vous choisirez l'animal d'après ce que chacun peut manger. Vous choisirez un mouton ou un cabri d'un an, mâle, sans défaut. Vous le garderez jusqu'au 14 du mois. Le soir de ce jour, dans la communauté d'Israël rassemblée, vous égorgerez l'animal choisi. Vous prendrez son sang. Et dans chaque maison où on mangera un de ces animaux, on couvrira de sang les deux montants et la poutre au-dessus de la porte d'entrée. On fera griller la viande, puis, pendant la nuit, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez pas la viande crue, ni bouillie. Vous la ferez griller sur le feu avec la tête, les pattes et les autres morceaux de l'animal. Vous ne garderez rien pour le jour suivant. S'il reste quelque chose, le matin, vous le brûlerez. Voici dans quelle tenue vous mangerez ce repas: les vêtements serrés autour de la taille, les sandales aux pieds et un bâton à la main pour marcher. Vous mangerez vite. Ce sera la Pâque, une fête pour moi, le Seigneur. Cette nuit-là, je traverserai l'Égypte et je ferai mourir tous les premiers-nés de ce pays, les premiers-nés des hommes et aussi des animaux. De cette façon, moi, le Seigneur, je condamnerai tous les faux dieux d'Égypte. Mais sur les maisons où vous habitez, le sang sera un signe qui vous protégera. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vos maisons sans m'arrêter. Ainsi, quand je frapperai l'Égypte, Le malheur qui détruit ne vous atteindra pas. Ce jour-là sera pour vous un jour de souvenir, et vous ferez une grande fête pour moi, le Seigneur. C'est une règle pour toujours, vous la respecterez de génération en génération. Psaume 25, les 15 premiers versets. Psaume de David. Seigneur mon Dieu, je me tourne vers toi. J'ai confiance en toi. Ne me laisse pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Pour ceux qui comptent sur toi, pas de honte. Mais la honte est pour ceux qui te trahissent. Qu'ils restent les mains vides. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu veux. Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils existent depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Oui, le Seigneur est bon et juste, il montre aux pécheurs la route à suivre. Il guide les gens simples sur le juste chemin. Il leur apprend à faire ce qu'il veut. Chaque enseignement du Seigneur montre son amour fidèle à ceux qui suivent les règles de son alliance. Seigneur, pour montrer ta gloire, pardonne ma faute qui est si grande. Si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qu'il respecte. Il leur fait connaître son alliance. Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Proverbe 4, versets 10, 11 et 12. Écoute-moi, mon enfant. Accueille mes paroles et tu vivras longtemps. Je t'apprends le chemin de la sagesse. Je te montre comment mener une vie honnête. Ainsi, tu pourras avancer facilement, et si tu cours, tu ne perdras pas l'équilibre. Première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 8, jusqu'au chapitre 4, verset 11. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez « Que Dieu te bénisse ». En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent « Est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux ? » Alors ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint. Il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêt à donner des explications, mais faites-le avec douceur et respect, avec conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois, quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le sens du baptême n'est pas d'enlever les saletés du corps, mais de répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel, il est à la droite de Dieu. Maintenant, les anges et les esprits qui ont du pouvoir et de la puissance sont sous son autorité. Le Christ a souffert dans son corps. Alors vous aussi, soyez sûrs d'une chose. Le chrétien qui souffre dans son corps a laissé le péché. Pour vous, cette pensée doit être une arme de combat. Pendant le temps qui vous reste à vivre sur la terre, ne suivez pas les mauvais désirs humains, mais suivez la volonté de Dieu. Oui, autrefois, vous avez trop souvent voulu faire comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Vous vous conduisez n'importe comment, vous étiez jaloux, ivrogne. Vous mangiez trop, vous buviez trop, vous adoriez les faux dieux, ce qui est une chose horrible. Maintenant, ces gens-là sont surpris. Vous n'allez plus avec eux, vous ne participez plus à leur vie qui déborde d'actions honteuses, et ils vous insultent. Mais ils rendront compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. C'est pour cela que la bonne nouvelle a été annoncée même aux morts. Ils ont été jugés selon ce qu'ils ont fait, comme tous les humains. Mais maintenant, grâce à l'Esprit Saint, ils peuvent vivre selon Dieu. C'est bientôt la fin du monde, alors soyez des sages et restez sobres pour pouvoir prier. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur, parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Recevez-vous les uns les autres dans vos maisons sans vous plaindre. Mettez-vous au service des autres selon le don que chacun a reçu. Soyez comme de bons serviteurs qui prennent soin des dons variés de Dieu. Celui qui parle doit être le porte-parole de Dieu. Celui qui sert doit servir avec la force que Dieu donne. Alors, tous rendront gloire à Dieu en toutes choses par Jésus-Christ. À lui la gloire et la puissance pour toujours. Amen. Seigneur, aujourd'hui, je veux me joindre à David dans son psaume pour prier. Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre. Apprends-moi à vivre comme tu le veux. Conduis-moi sur le chemin de la vérité. Enseigne-moi, Seigneur, car tu es le seul Dieu qui sauve. Et je compte sur toi tous les jours. Seigneur, souviens-toi de ta tendresse et de ton amour, car ils existent depuis toujours. Seigneur, oublie les fautes de ma jeunesse et mes péchés, mais à cause de ton amour, Seigneur, souviens-toi de moi, toi qui es bon. Merci, Seigneur, pour la richesse de ta parole. Même si ces textes-là ont été écrits il y a quelques milliers d'années, on peut encore les appliquer à aujourd'hui. Puis je te prie, Seigneur, comme le psalmiste l'a fait, à nous montrer la voie que tu veux pour nous. Aide-nous à t'écouter. Seigneur, je te prie que tu bénisses la semaine qui commence. Que tu nous donnes ton zèle, ton amour débordant, que les autres autour de nous puissent voir qu'on était des enfants juste parce qu'on déborde de cet amour-là que tu nous donnes. Amen.